Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Bien, vous le savez peut-être, on a appris il y a quelques jours le décès du chef d'orchestre japonais Seiji Ozawa. Seiji Ozawa, c'est vraiment l'un des grands noms de la direction d'orchestre de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Un chef d'orchestre sympathique, ouvert à toutes les musiques classiques, si je puis dire. Il avait dirigé la première de l'opéra d'Olivier Messiaen, Saint-François d'Assise, en 1983. Donc, il s'intéressait au répertoire contemporain. Il aimait particulièrement la musique française, puisqu'il avait gagné le concours de Besançon en 1959. Et il a pris la suite de Charles Munch, le grand Charles Munch, à la tête de l'Orchestre symphonique de Boston, fin des années 60. Il était né en 1935 en Mandchourie, qui à l'époque était occupée par l'armée japonaise. Et puis, au début de la Seconde Guerre mondiale, il est parti à Tokyo, où il a étudié le piano. Mais malheureusement, lors d'un match de rugby, il s'est cassé deux doigts. Donc, terminé pour le rugby, bon bah d'accord, mais terminé aussi pour le piano. Ce qui fait qu'il s'est orienté vers la direction d'orchestre très naturellement, notamment grâce à un maître japonais qui l'a conseillé dans toute sa carrière, Saito. Et puis donc, ensuite, il a gagné ce fameux concours de Besançon qui lui a mis le pied à l'étrier. Il a été l'assistant et d'Herbert von Karajan et de Leonard Bernstein, les deux monstres sacrés de la direction d'orchestre des années 60-70. Ça, c'est assez rare, je crois, parce qu'avoir eu comme mentor et Karajan et Bernstein, peu de chefs ont eu ce privilège. On va retrouver tout de suite Seiji Ozawa dans un répertoire qu'il affectionnait aussi beaucoup, c'est la musique russe qu'il a souvent dirigée, et en particulier Scheherazade de Rimsky-Korsakov, qu'il a enregistré plusieurs fois pour Deutsche Grammophon, mais aussi pour EMI. Voici la version EMI avec l'Orchestre symphonique de Chicago, le début, le bateau de Simbad sur la mer. Thank you. de Scheherazade, dite de Nikolaï Rimsky-Korsakov, avec l'Orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Seiji Ozawa. Alors, Seiji Ozawa fut l'homme des grandes fidélités musicales et amicales, des amitiés profondes qu'il noua avec notamment Mislav Rostropovitch, Slava, mais aussi avec Alexis Weissenberg, Itzhak Perlman, entre autres. On retrouvera ces artistes avec Seiji Ozawa durant nos émissions du week-end. Alors on va le retrouver avec Alexis Weissenberg, un enregistrement qui était paru à la fin des années 70 avec l'Orchestre de Paris et couplage assez rare mais pertinent selon moi, le troisième concerto de Prokofiev avec le concerto en sol de Maurice Ravel. Concerto en sol de Ravel qui se termine avec un mouvement teinté de notes jazzy, et on sait que le jazz comptait beaucoup pour Seiji Ozawa. D'ailleurs, lui-même ne pouvait s'empêcher de danser quand il dirigeait des musiques un peu jazzy comme celle de George Gershwin par exemple. Et donc un chef qui parfois aussi dirigeait à main nue, parce qu'un jour il devait diriger un orchestre, faire une répétition, et il s'est aperçu qu'il avait oublié sa baguette à l'hôtel, donc il a quand même pas annulé la répétition pour ça, et il a commencé à diriger à main nue, et puis s'est aperçu que finalement c'était un autre plaisir, un autre contact avec les musiciens, donc ça lui arrivait assez souvent. Allez, on va l'écouter donc Seiji Ozawa avec Alexis Weissenberg dans le final du concerto en sol de Maurice Ravel, Seiji Ozawa qui dirige l'Orchestre de Paris. Thank you. finale du concerto en sol de Maurice Ravel avec Alexis Weissenberg au piano et l'orchestre de Paris dirigé par Seiji Ozawa. Un peu de musique baroque maintenant avec Vivaldi et ses opéras. Et en 1737, Vivaldi écrit une lettre dans laquelle il se qualifie d'entrepreneur indépendant. Il était déjà célèbre pour ses 4 saisons, mais il se considérait avant tout non pas comme un violoniste virtuose et grand spécialiste du concerto de soliste, mais comme un homme de théâtre, comme un compositeur d'opéra. Il est vrai que depuis l'époque de son premier opéra « Automne in Villa » qui avait été présenté en 1713, jusqu'à son ultime séjour à Vienne où il mourut en 1741, il fut l'un des compositeurs les plus prolifiques d'Italie et montant ses propres œuvres au théâtre San Angelo de Venise, voyageant à Rome, à Florence, Milan pour monter ses ouvrages et même parfois jusqu'à Prague et Vienne pour aller voir ses diverses productions. Il a prétendu avoir composé plus de 94 opéras, bon, il a peut-être un peu exagéré, en tout cas tous ne lui ont pas survécu, moins de 30 nous sont parvenus intacts et ce n'est que depuis une vingtaine d'années, on va dire, allez, 30 ans. 30 ans que l'on redécouvre petit à petit les opéras de Vivaldi. Voici un air tiré de La Verità in Cimento, chanté par Magdalena Cosena, mezzo-soprano, et l'ensemble baroque Venise Baroque Orchestra est dirigé par Andrea Marcon. Thank you. Un air tiré de l'opéra La Verità in Cimento de Vivaldi avec la belle voix de la mezzo-soprano Magdalena Cosena, l'orchestre baroque de Venise, direction Andrea Marcon, et puis on va quand même rendre grâce à la flûtiste à bec Anna Fusek qui fait un très beau travail de virtuosité aussi dans cette air de Vivaldi. On a un cycle des sonates de Beethoven dans cette émission, on l'a commencé il y a quelque temps, on en est à la sonate numéro 5 en ut mineur qui fait partie d'un triptyque de sonates publiées en même temps, des sonates de jeunesse qui datent des années 1796-97. Beethoven a considéré ces sonates comme étant des sonatines, des œuvres moins importantes évidemment que ce qui va suivre, mais quand même bon, les pianistes s'accordent à dire que c'est vraiment des sonates d'une virtuosité qui demande vraiment une virtuosité incomparable. Très très difficile. Voici le premier mouvement Allegro molto e con brio de la 5e sonate opus 10 numéro 1 joué par Stephen Kovacevic. Thank you. Le premier mouvement, Allegro molto e con brio de la cinquième sonate de Beethoven, joué par Stephen Kovacevic. On va retrouver Seiji Ozawa, puisque nos émissions de ce week-end, aujourd'hui et demain, seront largement consacrées à ce chef d'orchestre qui vient de disparaître. Et on va le retrouver en 2002. Pourquoi 2002? Eh bien, c'est la seule année où il a dirigé le célèbre concert du Nouvel An à Vienne, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, bien sûr, un concert qui est peut-être le plus suivi au monde, qui est diffusé en Mondiovision. Et il avait choisi, je trouve, un programme très original, finalement, pour ce concert du Nouvel An 2002. Il avait associé des pièces célèbres, comme l'ouverture de la Chauve-souris, des valses très connues parmi les plus célèbres, La vie d'artiste ou Sang viennois, avec des choses beaucoup moins connues, des polkas qu'on joue assez rarement, et notamment une pièce que j'aime beaucoup, qui est relativement jouée régulièrement au concert du Nouvel An, c'est La Libellule de Joseph Strauss. C'est une pièce assez évocatrice puisque elle correspond un peu à l'image d'une libellule qui saute, enfin qui est en plein vol en quelque sorte. C'est un peu ce qu'a voulu figurer Joseph Strauss dans cette pièce particulièrement originale. Allez, on l'écoute avec Seiji Ozawa à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. enregistré lors du concert du Nouvel An 2002 à Vienne, la polka mazur La Libellule de Joseph Strauss avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, Seiji Ozawa. Et Seiji Ozawa, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'homme des grandes amitiés musicales, notamment avec Slava, Mislav Rostropovitch, qui est arrivé en Occident en 1974, formidable violoncelliste, qui lui aussi fut un chef d'orchestre, mais qui ne s'entendait pas avec Slava. Je crois que tout le monde musical adorait ce musicien, qui était un vrai humaniste, un homme jovial, très très drôle en plus, un peu d'ailleurs comme Seiji Ozawa qui dégageait une certaine humanité quand il dirigeait, un bonheur complet, l'extase presque. Et Slava, bah, quand il jouait, c'était un peu la même chose. On va les retrouver tous les deux dans l'un des grands concertos du répertoire, c'est le concerto pour violoncelle d'Anton Dvorak. Alors ça, c'est un concerto qui date des années américaines de Dvorak, au début des années 1890. Bien sûr, il va ramener la Symphonie du Nouveau Monde, mais aussi d'autres partitions, comme ce concerto pour violoncelle, qui est l'un des grands standards du répertoire pour violoncelle et orchestre. Voici le début, enregistré en 1985, avec donc Mislav Rostropovitch en soliste et l'Orchestre Symphonique de Boston, cet orchestre que Ozawa a dirigé pendant de nombreuses années, et jusqu'au début des années 2000 presque. Un crève-cœur que d'arrêter une telle œuvre, une telle interprétation. C'était le début du concerto pour violoncelle d'Antonin Dvorak avec Mislav Rostropovitch et puis l'orchestre symphonique de Boston, direction Seiji Ozawa. Alors on a écouté tout à l'heure le pianiste Alexis Weissenberg, grand complice de Seiji Ozawa. Il était né en 1929 à Sofia, en Bulgarie, Weissenberg, et il s'est fait connaître très très jeune en remportant différents prix. Il a joué le troisième concerto de Rachmaninov avec Eugène Normandie, grand chef de l'époque des années 40-50. Et puis ensuite, il a beaucoup enregistré et joué avec Herbert von Karajan dans les années 60. C'était vraiment indispensable. C'était le passeport pour une carrière internationale et une grosse vente de disques. Et puis, bien sûr, donc, il a connu Seiji Ozawa également dans la foulée de Karajan. Voici une pièce qui est une pièce d'orgue à l'origine. C'est une pièce de Jean-Sébastien Bach qui a été transcrite pour piano par Franz Liszt. C'est le prélude et fugue en la mineur, BWV 543. On en écoute donc le prélude par Alexis Weissenberg. Prélude de Prélude et Fugue en la mineur BW 543 de Jean-Sébastien Bach avec l'arrangement de Franz Liszt pour piano, donc une pièce qui est à l'origine pour orgue. Et bien de l'orgue, justement, il en est question dans la troisième symphonie de Camille Saint-Saëns, une œuvre qui a toujours intéressé Seiji Ozawa, il l'a dirigée à plusieurs reprises, et notamment avec les orchestres français et l'Orchestre National de France, dont il fut un invité régulier. Et en 1985, il enregistre cette troisième symphonie avec orgue de Saint-Saëns, avec tout un programme d'ailleurs de petites pièces moins connues, Phaéton, Poème symphonique et Le Rouet d'Omphale. On va écouter le final qui est maestoso, particulièrement majestueux de cette troisième symphonie de Saint-Saëns, qui a été composée pour Londres et dédiée précisément à Franz Liszt. Comme quoi, eh bien voilà, tout se tient. On vient d'écouter une transcription signée Liszt et cette œuvre de Saint-Saëns qui a été dédiée à Liszt. Voici le final avec Philippe Lefebvre à l'orgue et l'Orchestre National de France, direction Seiji Ozawa. Final maestoso de la symphonie numéro 3 avec orgue de Camille Saint-Saëns avec Philippe Lefebvre à l'orgue, l'Orchestre National de France et Seiji Ozawa. Après ce déferlement sonore, voici quelque chose de beaucoup plus calme pour terminer l'émission. La pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, Ravel vraiment au cœur du répertoire de Seiji Ozawa qui a laissé des disques incomparables autour du compositeur de Boléro. Et ce disque, d'ailleurs, sur le disque sur lequel figurait cette pavane, était complété notamment par le Boléro que Seiji Ozawa adorait diriger. Il était incomparable dans ce répertoire-là et il dansait sur scène, ça amusait le public et les musiciens. Allez, voici cette pavane pour une infante défunte avec l'Orchestre Symphonique de Boston et bien sûr Seiji Ozawa. La Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel avec l'Orchestre Symphonique de Boston. Direction Seiji Ozawa. Ben voilà, notre émission d'aujourd'hui est terminée. Vous le savez, on se retrouve demain. On va continuer de parler de Seiji Ozawa et puis surtout d'écouter ses merveilleux disques. Alors je vous donne rendez-vous demain à 11h sur Radio Fadjet. Bon samedi à toutes et à tous et à demain.